J'ai 20 ans moins le quart. Je suis né un peu tôt ou bien un peu trop tard. Mon avenir prend l'eau, mon train est en retard. Et pour quel horizon je m'en vais au hasard? Mais dans quelle direction? Je revois mon enfance à Deauville, quand ma mère voyait tout en bleu, comme un film ancien qui défile, quand mon père me semblait heureux. Aujourd'hui je ne vois mes parents que de temps en temps et séparément. Je voudrais remonter le temps, mais je vais avoir 20 ans. Je me sors tous les soirs, je m'emmène en bateau, je navigue au brouillard, je me fais des signaux. J'ai pas trouvé le phare pour me conduire au quai, pas trouvé le regard pour me faire oublier le bon temps de l'enfance à Deauville, quand ma mère voyait tout en bleu, la douceur des jours qui défilent, quand mon père me semblait heureux. Les adieux et les déchirements, quand deux vies se séparent après si longtemps. Je voudrais remonter le temps, mais je vais avoir 20 ans. Aujourd'hui je ne vois mes parents que de temps en temps et séparément. On ne peut arrêter le temps, car déjà j'ai 20 ans.